Doublette suivante, doublette pas banale, puisque nous avons tout d'abord Cryptic Carnage, groupe de death metal qui nous vient de l'île Maurice. On en a parlé lors de la dernière émission en direct. On se fait clairement plaisir à gratter au niveau de l'underground, mais de l'underground à travers l'entièreté de la planète. Donc voilà, à l'île Maurice, ils font du death et le font bien. Le groupe est actif depuis une dizaine d'années. Une démo a vu le jour en 2020. Et en fait, le groupe a... Parce qu'en fait, il faisait masse de concerts, autant que possible. Donc on est sur un death frontal, assez old school. Hein, on retrouve des éléments Cannibal et Deicide. Voilà, et puis on a ce riff ce riffing trash death primitif. Un artwork dégueulasse, cependant. Ouais, bon, c'est pas grave, l'important c'est de mettre les moyens dans la musique, hein. Cryptid Carnage, Scriptures of Torment, c'est le nom de ce premier album studio longue durée pour la formation mauricienne. En doublette, là c'est pareil, on continue les choses improbables. For I Am King, QA! On diffuse ça dans le banger, QA! Eh ben oui. Pourquoi? J'ai pas vraiment de réponse à la question. C'est vrai qu'on s'est jamais trop intéressé à ce style musical, à ce type de groupe. Dans la veine, on peut retrouver du metalcore, du mélodeath scandinave. En tête de liste, on a bien évidemment The Black Dahlia Murder et autres Eventual Burn. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter autour de la présentation de For I Am King? Il n'y a pas de chant clair, voilà. C'est ce qui nous donne vraiment du metalcore mélodeath intéressant, vraiment, de notre point de vue. Et la petite touche finale, c'est la personne derrière le micro, Alma Alizadeh. C'est une femme d'origine iranienne en plus, donc For I Am King existe depuis quelques années maintenant, hein, une dizaine d'années. Elle est présente dans le groupe depuis le début, donc c'était imaginé qu'elle est présente également sur les terres hollandaises depuis quelques années. Mais voilà, c'est pour nous aussi important de valoriser tous ces choix artistiques. Voilà, troisième effort studio qui voit le jour 5 ans après le précédent. Je pourrais rien vous dire de plus sur For I Am King parce que c'est voilà, c'est pas mon style de prédilection. Voilà, on passe à la musique tout de suite. Cryptic Carnage, le morceau Riot. For I Am King, l'album s'intitule Crown et on s'écoutera le titre Liars. C'est parti. For I Am King, j'ai mon survêt du dimanche qui est en train de se transformer en skinny et j'ai une chemise qui vient d'apparaître. C'est incroyable les effets qu'on peut retrouver en fonction de ce qu'on écoute. Allez, trêve de rigolanterie, retour de l'ami Thibaut au micro pour le second focus de ce soir. Et là, ça rigole zéro et on sort la palette de maquillage. Et ben normalement, tu vas pouvoir mettre ta capuche à ce moment-là. Ah, chic. Tu vas rester dans le thème. Je vire ma chemise et je mets ma capuche. Ça marche. Étonnamment, oh, tu peux garder la chemise, hein. C'est bon ça aussi. Étonnamment, un groupe de black metal, ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. Exactement. Direction l'Islande. Alors bon, l'Islande, globalement, c'est une scène moi que j'aime beaucoup, donc c'est un peu un peu convenu que j'aille en parler, mais bon, pas trop le choix quand c'est un de mes groupes préférés. Le mec prend des risques, hein. Un groupe légendaire qui accuse 30 ans de carrière et un groupe dans une scène qu'il maîtrise à 200%. Bien, bravo. Non, mais ça va, oui. Oui. Miss Pirming, donc, voilà, premier mot, première fois que j'écorche le nom. S'il y en a un qui sait comment le prononcer, qui me corrige. Miss Pirming, Miss Pirming. Oui, donc, leur adresse mail, c'est Miss Pirming. Miss Pirming. Voilà, aucune idée de comment ça se prononce parce que bah, c'est un nom qui est en islandais également. C'est leur troisième album, c'est un groupe qui s'est formé en 2013. Ils proposent un black metal, alors on va mettre des gros guillemets modernes. C'est pas tant moderne dans le son ou dans le. C'est plus dans l'approche parce qu'ils vont s'être inspirés beaucoup de, bah, de Deathspell Omega pour donner leur influence principale. Globalement, la scène islandaise, hein, dans sa globalité. C'est quand même largement inspiré de la scène avant-gardiste française. Coucou, oui, mange mon caca. Ils mangent leur caca, ils sont consanguins, parce qu'ils sont pas beaucoup. Voilà, hein. Voilà. Non, mais voilà, bon, Miss Pirming donc fait partie de la scène islandaise. La scène islandaise, c'est une petite scène black metal, mais qui est extrêmement prolifique avec des projets de grande qualité. Dans Miss Pirming, on va retrouver des membres, notamment du groupe Nadra. Donc c'est pareil, je dois écorcher le nom parce qu'il y a un symbole que je comprends pas dans l'écriture du mot. Il y a le projet Zero, j'imagine que c'est ça également, qui est un projet de dépressif Black Doom qui est vraiment très très chouette. On a également le projet qui a split assez récemment, Svartidodi, qui est également un projet de black metal de grande qualité. Donc voilà, les membres de Miss Pirming sont membres ou ont été membres de ces différents projets. Il y en a d'autres dont j'ai mangé les noms. Mais toujours est-il que voilà, on est sur une scène qui partage beaucoup de membres. On pense un petit peu à la scène québécoise également, qui a ces mêmes, on va pas dire problématiques, parce que c'est pas un problème en soi, c'est ces mêmes caractéristiques. Donc Miss Pirming, ils ont sorti leur premier album en 2015. Songvar Eld Og Oreidu, voilà. C'est exactement comme ça que ça se prononce en plus, c'est merveilleux. Désolé, les Islandais. Tu parles aisément islandais, c'est waouh. Je m'excuse grandement. T'es aussi à l'aise avec le norvégien en plus. Voilà, ça m'apprendra à choisir des groupes dont je connais absolument pas la langue. Déjà que les groupes dont je connais la langue, c'est pas glorieux, mais alors là. Voilà, bref, un album qui m'avait mis une claque monumentale en 2015. C'est vraiment un album que j'apprécie tout particulièrement et qui est resté dans ma discographie depuis toutes ces années. Bah, je crois que ça a mis une baffe à l'ensemble de la scène mondiale qui s'intéresse un peu aux sorties du genre. Ça a été un petit séisme, Miss Pirming, ouais. La sortie de ce premier album studio, effectivement. Ouais. Et pour situer la musique, donc, j'ai cité Deathspell Omega parce que c'est évident dans leur musique comme influence. Et puis on va retrouver un petit peu toutes les influences de la scène à capuche, entre guillemets, de ces 10 dernières années, donc Mgwa ou plus récemment Gaera, qui est apparu un peu après, mais dans l'idée on va retrouver un petit peu le style de ça. Donc c'est un petit peu à mi-chemin entre du Deathspell Omega, du Mgwa, Gaera ou ces choses là on retrouve un espèce de mélange de tout ça, mais ils ont quelque chose de très brut justement par rapport à cette scène à capuche qui est pas forcément qui tend plus à des choses mélodiques ou à des choses un petit peu plus sombre. Là, il y a quelque chose quand même qui reste du black metal très froid. Très brutal. Ça caille en même temps l'Islande. Hein. La Pologne, ça peut aussi un peu. Gaera, c'est le Portugal. L'hiver, ils connaissent pas. Miss Pirming, c'est froid. Ouais, voilà. Classic shit. Merci de ton attention. Avec plaisir, à ton service. Et globalement, c'était un son massif, terriblement étouffant, riche, grandiose. Enfin, un album qui m'a mis une claque. 2019, Elglingmi. Personnellement, c'est l'album que j'ai pas plus accroché que ça. Je l'ai écouté d'une oreille. Et bah, je l'ai complètement zappé, celui-ci. J'ai pas retenu grand-chose et je le trouve un peu lisse, en fait. Dans l'écoute, je retrouvais pas ce que j'avais eu comme claque au premier album. Et donc là, ils viennent de sortir leur troisième album, Med Amri. Un album, alors je fais attention dans la prononciation parce qu'on reviendra dessus, mais ils ont eu l'idée de mettre des noms de morceaux qui se ressemblent beaucoup les uns les autres, et notamment le titre de l'album qui ressemble beaucoup au nom d'un morceau. Donc c'est un petit peu compliqué à suivre. Visuellement, la pochette, je l'ai trouvé très très sympa. Il y a un travail assez cool dessus, et surtout c'est un style de peinture que j'aime bien. En fait, il y a un grain dans la peinture que je trouve très très cool. Le titre de l'album, il signifie avec un marteau, et il revenait un petit peu sur un son un peu cru, un peu rugueux justement du premier album. Et c'est ça que j'ai apprécié en fait, parce que l'album, donc leur deuxième album, je lui reprochais un petit peu d'être lisse. Et là, on est revenu à quelque chose un petit peu aux origines du groupe. Et on a, comment dire, on retrouve ça un petit peu dans leurs interviews aussi, parce que quand on suit un petit peu ce qu'ils ont proposé en interview, ce qu'ils ont dit, ils voulaient vraiment revenir à quelque chose de très brutal, de très frontal et de beaucoup plus cru que ce qu'ils avaient proposé précédemment. Et je trouve que c'est complètement réussi à ce niveau-là. Je sais pas si vous voulez diffuser un petit morceau maintenant, ouais. Ben, si par rapport à ton exposé, je sais pas. Ouais, c'est bon, on peut s'envoyer un petit morceau maintenant. Et ben voilà, puis après on reviendra un peu sur les spécificités dont tu parlais en termes de titre. Ouais, bah, justement, donc l'album Med Amri et le morceau Med Army. I'm in the army now. C'est parti, My Sperming. Voilà, on est en pleine présentation du nouvel album studio des Black Islandais de Meisterming. Et on retrouve l'ami Thibaut derrière son petit micro. Mon tout petit micro même. Petit micro jaune, il est beau. Meisterming, ce retour là de ce troisième album, je trouve que pour moi c'est un retour à un son beaucoup plus froid, comme je disais, beaucoup plus violent. Quelque chose qu'ils avaient sur le premier album. C'est toujours aussi violent, c'est toujours... Et là, il y a quelque chose de malade qu'ils avaient justement perdu sur le deuxième album, et que là je retrouve, il y a quelque chose de malade, de malsain qui se dégage de leur musique, c'est étouffant. Et à côté de ça, t'as cette espèce d'ouverture de l'album sur le tout premier morceau de l'album, c'est sans concession quoi. C'est ça, t'arrives, petit rouleau compresseur dans la tronche, voilà, merci, bonjour, et t'es pas du tout accueilli avec de la tendresse et des bisous. Et ça rend le tout vachement cool. Et globalement, tu te fais pas chier. C'est pareil, l'album, il fait quoi? Il fait 50 minutes, un truc comme ça. 43-31, très exactement. 43 minutes. Et bah, il passe assez rapidement. Ouais, t'es maltraité. T'es clairement maltraité pendant 40 minutes. Tu te fais un peu malmener. Et c'est vrai que je suis en train de regarder. Il y a un seul morceau court. Ouais. Sinon, tous les morceaux dépassent les 6-8 minutes. Ce qui en fait des compos très généreuses où à la fois ça déroule et à la fois c'est du matraquage abusif, un peu à la sauce Mgwa ou Funeral Mist, où ça te pilonne la gueule tout du long. Ouais, complètement. Bah, Funeral Mist, j'ai vu que dans pas mal de chroniques, les gens parlaient un petit peu de Funeral Mist, et effectivement il y a ce côté là qui ressort. Moi j'ai retrouvé aussi donc par rapport à l'album précédent, toujours un chant qui est beaucoup plus mis en avant, qui avait été un petit peu effacé sur l'enregistrement précédent, et là ça revient. Et surtout, on va avoir des choses qui étaient assez atypiques dans ce que proposait Meisterming. C'est des influences qui viennent un petit peu du pagan et du viking qu'on n'avait pas du tout précédemment, et qui donnent une dimension beaucoup plus épique notamment dans les riffings de la lead. Et c'est quelque chose qui est nouveau, que Meisterming vient apporter sur cet album, et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment réussi. C'est plutôt bien distillé, effectivement. Ouais. Donc voilà, globalement un album qui est au niveau du premier à mon goût. Et peut-être pas, je pense qu'il a pas l'effet waouh que le premier avait eu, tu vois. Mais objectivement, je pense que c'est un album qui est du même acabli. Et voilà, allez l'écouter, il est vachement chouette. Voilà. Et bah, très bien, belle conclusion. Ce qui nous permet de glisser en douceur vers l'ouverture de l'aspect française. Une spé française que l'on ouvre avec les locaux de Dragval, le groupe de Viking Death Tourangeau, qui nous sort son troisième effort studio, Riven Earth. Pas du tout. J'ai les yeux qui louchent, c'est une catastrophe qui fait suite à Riven Earth, puisque ce troisième effort studio s'intitule Black Moon Falls. Il est déjà disponible, 6 ans d'attente entre les deux albums. On s'écoutera l'extrait Storms of Embers, et en doublette avec les Tourangeaux de Dragval, Inherits the Void, un one-man band de Mellow Black qui nous vient de Clermont-Ferrand, actif depuis seulement 2 ans. Il sort déjà son deuxième effort studio, longue durée, plutôt prolifique et productif, le garçon. 9 titres, des compos qui font 4-5 minutes, très influencé par la scène mélo suédoise, Cuckoo Dissection et autres Sacramentum, et aussi des formations plus récentes venues de France, telles que Relégard les hommes tombés et autres Déluge. C'est à la fois rageur et mélancolique comme recette que nous propose Inherits the Void. L'album s'intitule The Impending Falls of the Stars, et on s'écoute le titre Palingenesis. C'est parti. Oh, Voilà, jusqu'au bout de la dernière note pour Inherits the Void. On continue à dérouler tranquillou dans l'aspect française avec Achiavel, le groupe de death metal actif depuis 2018, qui nous sort là, son troisième album studio, très très très prolifique, Achiavel. Du death, mélodeath, 10 titres pour une quarantaine de minutes. Dans les inspirations, ça se veut à la fois moderne et old school. Je sais bien que c'est pas hyper précis, mais en fait, le groupe va vraiment puiser dans les origines du death et dans des sonorités, des inspirations beaucoup plus modernes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est emmené par une vocaliste qui arrache en termes de brutalité. C'est presque trop par rapport à la musique du groupe, sachant qu'elle était passée faire des sessions chez Anthropophago, le groupe de Brutal Death bordelais. Donc voilà, pour présenter la musique de Achiavel. Et en doublette, on retrouve Death Engine, nouveauté de l'aspect française. Death Engine, c'est un groupe qui nous vient de Lorient, actif depuis une dizaine d'années, qui sort là son troisième effort studio chez Throatrunner Records. On est sur un post-metal un peu sludgy, un peu noise. C'est massif, c'est ultra rugueux, avec cependant des nappes un peu plus aériennes qui permettent de respirer, hein, qui vient s'intercaler entre des parties ultra incisives. Le titre qu'on s'écoute ce soir, c'est le morceau d'ouverture, un espèce de mid-tempo qui ouvre parfaitement bien ce nouvel effort studio. 7 titres pour 35 minutes. Death Engine, on s'écoutera le titre Hyperion, extrait de l'album Ocean, dispo donc chez Throatrunner. Et juste avant ça, Achiavel, Veni Vidi Vici, le nom du nouvel effort studio, et on s'écoutera le titre Through of a Survivor. I'm Doublette suivante, toujours dans l'aspect française, avec une nouveauté, Solar Eruption. J'avoue que j'ai plus trop en souvenir si on avait diffusé le précédent EP, qui est The End Is Near, qui était sorti en 2019. Solar Eruption, moi je les suis depuis l'époque où il s'appelait encore Nemean's Lion. On est sur du deathcore assez tech, assez frontal, qui nous vient de la région lilloise. Solar Eruption, donc qui met même des éléments un peu sympho, comme c'est vachement la tendance sur la scène deathcore. Voilà, ils sortent là leur premier album studio longue durée. C'est généreux, hein, 13 titres avec la participation de guests de renom, tels que Dan Watson, qui est notamment passé par Infant Annihilator, ou le vocaliste de Novelist, dont j'ai bouffé le nom, parce que c'est pas un groupe que je maîtrise parfaitement bien. Voilà donc Solar Eruption, The Demon's House, avec une grosse com qui a été faite autour de la sortie de ce nouvel effort studio. Un visu plutôt soigné, très carpathien, on va dire. Voilà pour les présentations de ce nouvel effort studio de Solar Eruption. En doublette, on retrouvera Limb, un one-man band de Black Atmo parisien, qui est en fait tout simplement la suite logique de Blur Thrower, qui a été actif entre 2014 et 2021, donc Limb. C'est tout récent sous ce nom-là. À l'époque, Blur Thrower, j'arrive pas, hein, j'ai envie de dire Blur Thrower, était signé chez les Acteurs de l'Ombre. Limb a récupéré et continué le deal, en toute logique. Voilà, 4 titres, très très longs, hein, on dépasse les 10 minutes pour la plupart. Un BM assez rao dans l'approche et dans le son. Voilà, toute la musique, enfin tout ce qu'on peut dire autour de Limb. L'album s'intitule Écluse, on s'écoutera le titre L'Acheter. Et juste avant ça, The Demon's House, extrait Red Room pour le nouvel effort studio de Solar Eruption. C'est parti.